Martine de nous avoir proposé cette intervention, qui du coup nous a permis, à Léonie et moi, de nous réunir et de discuter de choses dont on avait travaillé en fait chacune séparément et de confronter un petit peu les résultats de nos recherches donc séparées, faites en général pour nos doctorats respectifs, donc moi en histoire de l'art et Léonie en sociologie. Donc ça nous a donné un petit peu envie d'échanger et on s'est rendu compte de certaines choses qui nous ont surprises et qu'on voudra vous présenter aujourd'hui. Alors pour revenir un petit peu sur ce qui avait été dit à la séance précédente, on avait évoqué la possibilité d'une comparaison dans le temps. Et je crois que quelqu'un avait dit que voilà, vous aviez posé la question, vous avez dit que ce n'était pas possible. Nous, on va proposer une comparaison dans le temps en fait. Effectivement, c'est un peu le postulat méthodologique de notre présentation. Et on vous invite aussi après à réfléchir avec nous aux conditions de possibilité de cette comparaison et à sa pertinence ou aux éventuelles erreurs en fait qu'elle peut aussi amener. Donc plus précisément, donc, on a deux périodes, donc 18e, 20e, précisément donc Noémie va présenter des observations sur la 1750-1800. Et puis quant à moi, j'ai étudié l'activité donc de restauration des tableaux et en particulier des tableaux du Louvre, puisque c'est quand même de ça qu'on va parler finalement toutes les deux, puisque c'est les deux. Il se trouve qu'on avait pris le même objet d'étude en fait à deux époques différentes. Et donc moi c'est 20e siècle et aujourd'hui, plus précisément à partir de 1935, puisque l'organisation de l'activité change un petit peu. À cette époque-là, et donc voilà, c'est une erreur chronologique à moi. Donc on répète voilà, la posture méthodologique qui nous a réunis, c'est pas donc, de faire une comparaison terme à terme entre ces deux périodes, mais plutôt de comparer bon, les structures d'activité, les conditions de travail, la place des femmes à une époque ou une autre. Les représentations genrées donc, de l'activité donc, et de certaines des tâches qui sont plus considérées comme féminines, d'autres comme masculines ou inversement. Et donc là encore, en lien avec la discussion de la dernière fois, notamment à la fin de la séance de la dernière fois, on avait posé cette question de l'utilisation de concepts pour aborder donc, la question du travail des femmes et du travail finalement aussi tout court, mais du travail des femmes plus particulièrement, et l'action de l'anachronisme de l'utilisation de tel ou tel concept qui serait impossible à utiliser pour parler des périodes anciennes, parce que ce serait des concepts d'aujourd'hui. Bon, nous, on va essayer de réfléchir donc, quand même à partir de, sinon de concepts, au moins de notions, de désignant des réalités qui nous paraissent exister à une époque comme à une autre, et que les acteurs de l'époque, qui soient les acteurs d'hier ou d'aujourd'hui, n'utilisent pas en fait. Donc c'est un peu ça aussi l'idée de départ, c'est que si eux ne les utilisent pas, que ce soit hier ou aujourd'hui, nous on pourrait les utiliser pour parler d'hier comme d'aujourd'hui. Et donc on avait notamment mobilisé deux concepts qui seront qui nous feront nos deux fils conducteurs, c'est celui de réglementation de l'activité et de lien entre cette réglementation et la féminisation de l'activité, et celle de division sociale et sexuelle du travail. Donc on va en reparler un peu plus tard. Donc ce qui nous permet aussi peut-être de faire ce travail ensemble, c'est qu'effectivement on travaille sur les mêmes, plus ou moins le même corpus d'œuvres d'art, qui sont les tableaux qui sont actuellement au Louvre. Là je vous en montre un qui est arrivé un peu tardivement dans l'histoire du Louvre, mais qui a été restauré un très grand nombre de fois. Donc en fait on se retrouve sur des supports matériels, qui sont les objets d'art, qui sont passés dans les mains de mes restauratrices et qui sont passés dans les mains des restauratrices de Léonie. Donc, si vous voulez, il y a quand même une continuité physique, concrète, qui nous permet et qui, à notre avis, donne son intérêt à la comparaison dans le temps. Et ça se joue de manière extrêmement physique et extrêmement importante dans les objets. Là, vous avez un manteau c'est un manteau d'un personnage de cette œuvre qui a été repeint, peut-être à mon époque, j'extrapole, puis ensuite dérestauré, peut-être à l'époque de Léonie. Donc sur les objets même, se cumulent et se rencontrent, en fait, ces interventions qui parfois sont réalisées par des femmes. je montre ce que ça donne à un niveau plus technique, c'est-à-dire que là, vous avez les différentes couches, c'est donc ce qu'on appelle une couche stratigraphique. Vous avez les différentes couches, en fait, qui, certaines appartiennent au peintre et puis d'autres appartiennent en fait au restaurateur. Donc vous avez, on a vraiment la matérialité de ces strates, c'est une vraie stratigraphie dans le temps, mais aussi dans la matière. Et elle existe encore, et on peut l'étudier. Là, je tourne vraiment la toile, on aura plusieurs fois ce type d'image. C'est des revers d'œuvres d'art qui ont été eux aussi changés, transformés, ce qu'on appelle rentoilés, transposés, enfin, disons modifiés dans leur structure, non seulement sur la face, si vous voulez, mais aussi sur le revers. Par souvent des restauratrices, comme on va pouvoir le montrer. Peut-être maintenant les sources, les émules. Oui, non, mais. Bon, alors, je continue. On a plusieurs. Donc, on a repris aussi des catégories qu'on avait un petit peu travaillées la dernière fois, la question des sources autoproduites et la question des sources produites. Alors là, de nouveau, avait été évoquée l'idée qu'on ne pouvait pas parler de sources autoproduites au XVIIIe siècle, notamment. Moi, par exemple, pour ce qui est de mes sources et mes écrits, en fait, on peut vraiment parler de choses autoproduites hein, par la restauratrice et notamment par la veuve Godefroy. Puisqu'en fait, sont conservés aux Archives nationales à peu près 50 mémoires qui sont vraiment où la première personne du singulier est utilisée et où elle raconte, de manière très sommaire évidemment, les interventions. Et puis on a aussi toute une série vraiment de lettres, une correspondance qui est le fait de la veuve et qu'elle adresse au personnel des bâtiments du roi. Je vous montre juste, c'est un petit peu les exemples que vous aviez sur le site internet. C'est des lettres d'autographe de Marie-Jacob Godefroy écrites au XVIIIe siècle. Donc on a vraiment ces sources autographes. Et puis le troisième type de sources et d'écriture du travail qu'on voulait évoquer, c'est les œuvres. Alors, donc l'écriture au sens large, en évoquant la stratigraphie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi écriture très très directe parfois sur les interventions. Là vous avez un revers donc, derrière le tableau d'une œuvre qui a été transposée. Transposer, ça veut dire qu'on a gardé la couche picturale, mais que le support de bois, généralement, a été détruit ou séparé de la couche picturale et qu'on a mis un nouveau support. Et là, l'intervention, donc, elle est matériellement présente, mais elle est encore signifiée, soit par le restaurateur lui-même, soit éventuellement par quelqu'un d'autre a posteriori. Donc là, vous avez le cas de Picot, qui donc, va faire une transposition d'une œuvre et va encore la signer. Donc, on a inclus ça aussi dans les sources, en tant que la matière de l'objet est un témoin aussi, de l'activité de travail, et puis parfois cette activité de travail est encore surlignée par l'écrit. Ouais. Donc moi pour les sources, donc les sources autoproduites, il y a un peu dans la continuité de celle de Noémie, donc des devis, des mémoires, des factures, de la correspondance que les restaurateurs adressent à l'institution. J'ai pu consulter des documents de ce type jusqu'aux années 60, sachant qu'ensuite, aux archives des mémoires nationaux, les documents ne sont plus consultables pour des raisons de confidentialité. Et tout simplement, les professionnels sont encore en vie, donc on ne peut pas consulter leurs documents. Donc ça, ce sont sortes des sources. Souvent, c'est vrai que c'est dans ces documents du type le restaurateur qui va annoncer qu'il a un retard pour le rendu d'un travail, au détour de documents qui peuvent paraître un peu administratifs et anodins, on a des évocations de l'organisation du travail dans les ateliers, de la façon dont les différents restaurateurs qui interviennent sur une même œuvre vont coopérer. Et donc c'est ça finalement nos sources. C'est pas forcément c'est des sources toujours un peu détournées de ce qu'on veut leur faire dire. Ce que j'ai, donc j'ai utilisé certes ces sources autoproduites, mais j'ai beaucoup utilisé également les sources qui sont produites par l'institution, et notamment donc à partir des années 30 et surtout vraiment de façon systématique à partir des années 70, en fait les services, les ateliers, puis les services de restauration des tableaux donc du Louvre produisent énormément de documents, précisément sur les travaux, donc avec une volonté de transparence, de formalisation des pratiques, de transmission également des actes de travail qui ont été faits sur les tableaux de haute génération futur. Et donc vraiment dans une volonté assez qui se décide un peu au niveau international avec les responsables des grands musées européens et américains, ils se mettent d'accord pour entreprendre de documenter le travail. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment évidemment systématique et très important la documentation du travail, aussi bien avec des documents, donc on va ouvrir en fait pour chaque restauration, faire un dossier de restauration, un dossier d'œuvre. Donc vraiment l'analogie avec l'hôpital et les malades est très très efficace ici, et très assez pertinente, et elle va même jusqu'à vraiment le vocabulaire utilisé, la terminologie utilisée par les acteurs, donc les conservateurs et les restaurateurs du musée qui rédigent des fiches de santé pour chaque tableau. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment une formidable source documentaire, puisque j'ai pu consulter, et même j'en ai fait une base de données, donc je vous en parlerai plus tout à l'heure, des 5000 fiches de santé qui documentent tous les actes de travail, depuis le plus petit dépoussiérage du revers, là, comme on a vu, jusqu'à l'intervention fondamentale, nettoyage et de travail vraiment important de restauration. Tous ces actes sont documentés avec les dates, le nom des restaurateurs, restauratrices et le type d'intervention. Donc quand on veut travailler sur une institution qui n'a pas de salariés, puisque les restaurateurs sont des indépendants qui sont sollicités par les conservateurs pour intervenir sur les œuvres. Donc une association où il n'y a pas de salariés, c'est très difficile en fait de faire de la sociologie du travail, de l'histoire du travail, puisqu'on n'a pas des postes salariés qu'on pourrait suivre, des programmes d'activité qu'on pourrait suivre, mais grâce aux œuvres finalement et grâce aux fiches de santé, on peut reconstituer toute l'activité des services. Donc ça a été une très grande source, et puis moi évidemment j'ai pu interviewer les restaurateurs vivants, des retraités, des restaurateurs en activité, des tout jeunes restauratrices qui étaient présents dans les ateliers, et faire de l'observation dans les ateliers actuels. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours l'avantage du sociologue d'avoir des sources ethnographiques, orales, etc. Voilà, donc ça pour les sources, je pense. C'est les grandes questions qui vont structurer maintenant la partie moins méthodologique et plus concrète de nos présentations. Donc la première question était, comme Léonie a évoqué un petit peu, donc quelle est l'organisation d'activité en globale, c'est-à-dire entre les restaurateurs et les différents acteurs en fait de la restauration. Et puis évidemment la question du travail féminin, un petit peu quel rôle jouent les femmes dans l'évolution de cette réglementation, est-ce qu'elles ont une place, est-ce qu'elles transforment cette réglementation ou pas, voilà. Féminisation ou simplement le travail des femmes pour le 18e. Puis la deuxième question étant, alors comment fonctionne l'atelier, que ce soit simplement au niveau hiérarchique, mais aussi en termes de division sexuelle du travail. Donc on lit le social et le sexuel, est-ce qu'il y a des hiérarchies hommes-femmes, comment on peut le supposer, comment est-ce qu'elles se construisent, et comment ensuite dans l'atelier, certaines tâches sont peut-être plus féminines, plus masculines, et quelle est la représentation en termes de genre de cette division, comment est-ce qu'on peut la comprendre. Donc on va confronter sur ces pôles-là en fait nos deux recherches. Donc je commence moi avec le 18e. Donc en fait l'activité de restauration est souvent, fréquemment réalisée par des femmes au 18e. Alors c'est évidemment des choses qui sont difficiles à affirmer dans la mesure où je n'ai pas la totalité des acteurs en ma connaissance, hein, puisqu'il y a des archives qui manquent, etc. Mais je retrouve fréquemment en fait, des femmes dans l'activité de restauration. Cela même dès le XVIIe siècle, je n'ai pas été à regarder plus loin, mais peut-être que c'est le cas. On a une veuve qui s'appelle la veuve Lange, qui est une des premières femmes restauratrices actives et attestées comme restauratrice en fait, au XVIIe siècle. Puis au XVIIIe siècle, on aura cette veuve Godefroy, sur laquelle je reviendrai, mais aussi tout à fait d'autres femmes, dont je vous cite les noms comme ça un peu en passant, mais une femme dont on ne connaît pas le prénom, mais qui s'appelle Madame de Montpetit, qui est active dans les années 1780, par exemple. Et puis après la Révolution, ou sur la période comme ça de transition, on a d'autres femmes françaises, hein, là je me limite aux françaises, qui sont, une s'appelle Margherita Bernini, parce qu'elle épouse un Italien, et elle fait partie de sa carrière en Italie, l'autre s'appelle Marie Barret. Donc sur l'intégralité du siècle, du 18e, on a des femmes actives, et on en a mais plusieurs, et plusieurs attestés dans les sources qui montrent déjà un niveau d'activité quand même à la fois intense et élevé un petit peu dans la hiérarchie de l'activité. Donc, je me suis évidemment interrogée à essayer de comprendre pourquoi la restauration est une activité qui mobilise des femmes dès le XVIIIe siècle. Et ça s'explique probablement en essayant de comprendre la position de la restauration en tant qu'activité au XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, c'est une activité qui n'est pas liée à une corporation, qui n'est pas liée à une juridiction, vraiment à un corps de métier du XVIIIe siècle. C'est au contraire une activité plutôt annexe, qui est généralement réalisée à côté d'une autre activité principale. Donc, de manière, dans les recherches que j'ai faites, il y a quand même deux corps de métier qui sont généralement, auxquels appartiennent généralement les acteurs, qui sont soit le corps des marchands merciers, donc dans le domaine du commerce. Je pense que je ne vous rappelle pas, mais une des classes du corps des marchands merciers a le droit de restaurer les œuvres d'art, ou d'ailleurs aussi d'autres objets, puisqu'en fait ils ont une activité de vente qui ne se limite pas du tout au tableau. Mais donc ils restaurent, ils proposent des services de restauration après-vente. Voilà, c'est vraiment une des corporations, une des catégories de la population qui restaure, les marchands merciers. L'autre étant en fait les membres de l'Académie de Saint-Luc, qui sont tout simplement, alors là, la corporation des maîtres peintres en fait du XVIIIe siècle, qui, ça me semble assez logique aussi, restaurent parfois à côté de leur activité d'artiste, d'artisan, disons, ou restaurent à côté de leur activité de marchand, parce qu'en fait le commerce des tableaux et la restauration ont vraiment partie liée. Donc on a ces deux grosses catégories qui dominent la profession, disons, mais, enfin disons l'activité, mais ce n'est en aucune manière une obligation d'appartenir à ces corporations. Et donc au contraire, l'activité est largement diffusée et généralement réalisée à côté de la restauration. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les marchands qui vont restaurer, mais on sait qu'ils font restaurer leurs tableaux et on ne sait pas très bien par qui. Donc on comprend assez vite qu'existe dans les ateliers ou dans les boutiques des gens qui font ces interventions de restauration sans qu'on sache très bien qui c'est. Et en fait, ces gens sont parfois, pas du tout toujours évidemment, mais sont parfois des femmes. C'est une activité donc annexe qui est réalisée généralement plus ou moins discrètement, puisque l'idée est aussi de ne pas forcément faire voir les restaurations. C'est plutôt une chose qui appartient au bon qu'on essaie de peu mettre en évidence. Et la structure même en fait des lieux de vente, par exemple, amène une dichotomie entre, je vais prendre l'atelier de la famille Godefroy avant qu'elle soit veuve, son mari a une boutique de tableaux au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois. On sait très bien parce qu'en fait il y a un inventaire après décès, et puis celui de son mari aussi a été conservé. Donc on a vraiment de quoi la suivre sur les choses un peu matérielles et économiques de manière très, très proche. Et donc on apprend que son mari a une boutique de tableaux quand il meurt au rez-de-chaussée du cloître, et que l'atelier de restauration est au premier étage. Donc on voit qu'il y a aussi une dissociation simplement en fait spatiale dans l'organisation du travail qui amène à une activité plus discrète, puisque la plupart en fait des restaurateurs, je pense, ont simplement disparu des archives. Plus discrète, mais aussi parfois vraisemblablement féminine. Donc en fait, on voit apparaître ces acteurs, et notamment ces acteurs femmes, à des moments clés ou à des moments de transition. Quand le mari de la veuve Godefroy va décéder en 1741, la veuve Godefroy va reprendre la boutique de tableaux et reprendre l'atelier de restauration. C'est-à-dire qu'en 1741, on voit apparaître une femme qui est tout à fait capable de gérer une boutique et tout à fait capable de faire toutes les interventions de restauration nécessaires, ou en tout cas de tenir ce commerce. Ce qui veut dire qu'on a une femme qui a exercé en fait son activité jusqu'à la mort de son mari, sans aucune en fait visibilité. C'est aussi le cas, par exemple, et ça c'est aussi intéressant et je pense révélateur de la pratique, de son fils. C'est-à-dire qu'elle a un fils qui lui-même n'apparaît qu'au moment où sa mère commence à de moins en moins pratiquer, de plus en plus âgée. Et on le voit apparaître dans les archives la première fois, le fils de la veuve, quand il a 37 ans. Et il est restaurateur de tableaux et il est marchand de tableaux. Donc il travaille aussi dans la boutique familiale, disons. Donc voilà, ce que je veux montrer, c'est que le fait que cette activité ne soit pas soumise de manière extrêmement directe à des corporations permet en fait... à la fois permet l'activité féminine et probablement aussi la rend plus difficile à saisir, sauf quand on a un décès d'un époux, tout d'un coup, une femme qui cède un petit peu son activité. Cela dit, on peut aussi saisir les personnalités qui travaillent comme ça, disons, dans l'ombre, de manière annexe, par d'autres documents, notamment par la presse. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on apprend, je pense au Mercure de France, on va apprendre l'activité de Madame de Montpetit dans un article consacré à son mari, Monsieur de Montpetit, qui est inventeur d'une technique de peinture. Et l'article stipule tout d'un coup, Monsieur de Montpetit, virgule, ou plutôt sa femme, s'occupe de telle chose. Donc tout d'un coup, on sent, ah, en fait, il y a une femme qui est derrière l'activité. Et effectivement, on voit apparaître à deux reprises, de manière assez laconique, Madame de Montpetit a bien voulu se faire ses expériences, etc. Donc on saisit comme ça, dans les textes, en fait, une personne active dans le domaine de la restauration. Alors évidemment, ce qui va faciliter la tâche de pas mal de femmes et de notamment de la veuve Blanche probablement et de la veuve Godefroy, c'est aussi les statuts juridiques, mais ça peut-être vous l'avez déjà en tête, des veuves sous l'Ancien Régime qui retrouvent en fait une partie de leurs droits, c'est-à-dire notamment les droits de contracter certains marchés. Donc elles gagnent en fait, elles acquièrent par le veuvage un statut juridique qui leur permet tout simplement d'exercer l'activité. Et d'autant plus les veuves de maîtres des corporations comme l'Académie de Saint-Luc, où en fait elle-même ensuite est déclarée membre de l'Académie de Saint-Luc, puisqu'elle est la veuve d'un membre de l'Académie. Alors, je vais focaliser un tout petit peu sur cette veuve Godefroy, d'abord un peu dans le son contexte général, et puis ensuite je vais la préciser dans le travail qui nous intéresse autour des tableaux qui sont actuellement au Louvre. Donc elle s'appelle en fait Marie-Jacob van Merle, probablement d'une famille dont l'origine remonterait à Anvers. Et elle naît, on ne sait pas exactement quand, mais au début du XVIIIe siècle. Puis elle se marie avec un marchand en 1726 et son mari va mourir en 1741. Donc au moment où son mari meurt dans un est assassiné en 1741 et elle se retrouve seule avec cet enfant et cette boutique de tableaux. Quand elle meurt 34 ans plus tard, son inventaire après décès nous permet un peu de reconstituer son milieu et on voit que c'est une femme qui semble avoir un niveau de vie disons plus élevé qu'un certain nombre d'artisans parisiens, en tout cas ceux que cite Daniel Roche par rapport à ce type de données là. C'est une femme qui a pu acheter une résidence secondaire pour une somme assez importante. C'est une femme qui possède des bijoux dans sa garde-robe, des tissus précieux, des soies, des taffas. Donc c'est une artisane, si vous voulez, qui semble avoir un niveau de vie relativement correct, avec donc deux lieux d'habitation, des objets simplement matériels qui témoignent d'une certaine aisance financière. Elle a aussi un autre impact, c'est qu'elle va être... liée et avoir une certaine influence avec le milieu de l'Académie royale de peinture, qui est donc, le revers de l'Académie de Saint-Luc, le milieu de la peinture académique et liée à la cour, et alors qu'elle n'appartient pas à ce milieu par son affiliation à la corporation dont elle hérite, ou qu'elle n'a pas de lien particulier avec ce milieu, elle a une influence, elle va prendre son fils par natoire, à Rome, alors qu'il n'a pas gagné le concours, mais parce qu'il va convaincre les membres de l'Académie, elle va réussir à le faire emmener avec Natoi. Donc ça veut dire qu'elle a à la fois une certaine aisance économique et en même temps certaines forces d'impact, si vous voulez, sur un milieu qui est a priori supérieur au sien. Et puis elle est attestée, ça c'est intéressant, dans le dictionnaire allemand, par exemple, contemporain. Je pense au Künstler Lexikon de Füssli, donc le peintre zurichois. On trouve une mention de cette veuve Godefroy en 1767, où elle est, c'était en allemand, Die Witwe Godefroy, blablabla. Donc elle existe aussi, ça c'est assez intéressant, elle existe aussi déjà en fait une réception de son intervention contemporaine. Donc évidemment, on voit que son statut de veuve l'a probablement privilégiée d'une certaine manière, ou lui a donné les capacités de gérer en fait ce veuvage. On voit qu'elle va aussi en fait récupérer toute une boutique qui existe déjà, donc elle a quelque part un réseau de sociabilité, des clientèles qui sont déjà en place en fait, qu'ensuite elle va développer, mais dont elle hérite, donc elle ne les constitue pas elle-même, mais elle en hérite et elle les développe. Et puis, elle va même les développer beaucoup, parce qu'en fait, c'est une femme qui travaille pour les membres les plus élevés, si vous voulez, de la cour. Et puis, elle va diversifier complètement ses services. Donc, elle reprend la restauration et le commerce de tableaux de son mari. Mais elle propose aussi de réaliser des copies. C'est pas elle qui les réalise, on y reviendra. Elle fait réaliser, en fait, des copies. Où elle propose d'être conseillère pour le surintendant des finances, des gens de la cour. Elle leur propose de leur servir en fait pour constituer leur collection. Donc elle est capable de développer sa clientèle et de s'en servir de manière, disons, dynamique et diversifiée dans le milieu du travail. Donc ça, c'est son travail hors de l'institution. Mais elle a aussi un travail dans l'institution, c'est-à-dire en fait auprès des bâtiments du roi, puisque la restauration des tableaux du roi est supervisée et prise en charge en fait par les bâtiments du roi. Et les bâtiments du roi font appel à la veuve Godefroy. Donc elle va développer tout un travail dans le milieu marchand, si vous voulez, dans le milieu privé, mais aussi dans le milieu public. Alors on ne sait pas très bien comment elle est engagée, c'est assez intéressant, puisqu'en fait son fils et puis le peu d'historiographie qui la suit dit qu'elle reprend la charge de son mari. Mais il ne semble pas dans les archives que son mari ait bénéficié d'une charge de restauration à cette époque-là. Elle est en fait chargée, en 1743, donc elle a vraiment une charge et une pension dans l'institution, chargée, alors je vais vous donner le titre, chargée de l'entretien et restauration des tableaux de Sa Majesté, en 1743. Donc il semble que c'est un poste qui, en tant que tel, avec une pension de 200 livres, on y reviendra, lui est propre et n'est pas le fait d'un héritage comme ça familial, même si son mari avait déjà effectivement travaillé pour les bâtiments du roi. Donc l'autre personnalité majeure à cette époque, c'est Robert Picot, qui travaille, qui est aussi restaurateur, qui est donc lui pour le coup un homme, et qui fait des transpositions d'œuvres d'art, et qui travaille aussi pour les bâtiments du roi, qui est un peu son concurrent, qui est un peu l'autre personne qui est employée vraiment pour les transpositions, donc cette histoire de couche picturale et de support qu'on enlève, qui est employée pour les transpositions et qui est pensionnée, alors lui, 2000 livres. Donc ils sont à la même époque, en recevant une pension qui est de 10 fois en fait, vous comprenez le rapport proportionnel est au décuple, au profit donc de Robert Picot. Et il semble dans les archives donc cette transposition, cette intervention de transposition, quand elle est apparue sur le marché parisien dans les années 40, elle a vraiment fait office d'une sorte de salut de l'œuvre d'art. On a commencé à penser, les journaux se sont emparés de cette intervention, ont vraiment décrit ça comme une sorte d'intervention thaumaturgique, magique, réalisée par Picot. Je vais y revenir, il lui décrit les conditions, là on voit artiste, pensionnaire du roi, donc avec un niveau de prestige assez élevé. Et donc c'est ce qui explique cette pension extrêmement élevée. À cette époque-là, quand la veuve est engagée, elle ne réalise pas en fait elle-même de transposition, mais elle va mettre en place une sorte de stratégie, en tout cas moi une chose que j'analyse comme une stratégie, pour montrer au bâtiment du roi qu'elle est capable de faire cette intervention. Et donc en 1752, elle expose à l'Académie de Saint-Luc des œuvres transposées. Donc elle le fait d'une manière très intéressante parce qu'elle les transpose à moitié, donc elle laisse la moitié sur le bois et la moitié sur toile pour montrer « je sais faire ça ». Et donc, l'exposition de l'Académie Saint-Luc est donc publique, est vue par un certain nombre de gens, et notamment par le secrétariat des bâtiments du roi, qui va lui demander si elle est vraiment capable de restaurer des œuvres, de faire des transpositions, qu'elle ne sait pas, non, et si elle serait d'accord de le faire, et à quel prix. Et alors, les bâtiments du roi vont demander à la fois à Robert Picot et à la veuve Godefroy, en partant d'un tableau qui est attribué à Holbein, qui est pas un tableau de Holbein, mais bref, si chacun est capable de réaliser l'intervention et à quelles conditions. Et donc là, vous avez un document qui est assez intéressant, parce qu'il est vraiment par rapport à cette question du travail des femmes, du travail d'un homme. On a vraiment pris du Sieur Picot en conservant la planche, donc c'est cette histoire de transposition, lui conserve le support. Et il dit, en considération de la pension qu'il a obtenue, se réduit pour enlever le tableau d'Holbein à la somme de 800 livres, donc il est déjà dans un effort. Et la dame Godefroy, fait la même chose en conservant la planche et elle demande 500 livres. Donc, suite à cette exposition des restaurations, les bâtiments du roi s'intéressent à la capacité de la veuve de faire cette intervention, mettent les deux intervenants en compétition et voient que les prix de la veuve Godefroy sont moins élevés. Et ça, c'est en fait un des moments charnières pour elle, disons, dans sa domination du milieu, c'est-à-dire que elle casse les prix, vraiment, parce que, non, mais vraiment, elle propose des prix moins chers. Alors, on sait, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le travail des femmes est au XVIIIe siècle fréquemment moins rémunéré, donc peut-être qu'en tant que femme, elle est capable de le faire, comme aujourd'hui, c'est encore le cas d'ailleurs. Elle est capable, j'ai lu sur Abel Poitrineau qui compare un ménage à la fin du XVIIIe entre hommes et femmes, et les rapports proportionnels sont aussi presque du je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais elle gagne vraiment, la femme gagne beaucoup moins vraiment que son mari. Donc voilà, la Vogue de Troyes fait cette proposition et ça va modifier en fait considérablement la tarification en fait des bâtiments du roi. Qui est-ce qui obtient finalement le... Ah ben, devinez, la Vogue de Troyes. Ils sont malins. Non, la Vogue de Troyes, bien sûr. Et elle va s'imposer vraiment comme ça, en fait, avec ce prix... Cassé. Ouais, elle est cassée, quoi. C'est pas la seule chose, en fait, qu'elle va casser. Mais je reviens peut-être, on va s'étendre sur... Après ça, en fait... on décide de reconsidérer. Parce que Robert Picot demandait des sommes astronomiques. Je donne un exemple, pour transposer le Saint-Michel de Raphaël, il demandait 6000 livres. 6000 livres, c'est le prix de la maison de la Vogue de Troyes, et c'est le prix de la commande d'un des tableaux les plus importants du XVIIIe siècle, d'une tempête de Verlaine. Donc il demande le prix d'une intervention contemporaine, quasiment le prix de l'œuvre elle-même, en fait. 6000 livres, c'est là, il fait un grand effort avec ses 800 livres. Et 6000 livres est une somme vraiment extrêmement importante. Et il justifie ça en expliquant. Alors, il n'explique pas ses méthodes, et on va y revenir. Il justifie ça en expliquant qu'il risque sa vie dans cette opération, qu'il utilise du feu, des acides, vraiment, c'est vraiment grave, ça lui prend 6 mois, il ne dort pas, donc ça coûte cher. Et donc, la Vogue de Troyes va avoir une technique tout à fait différente. Mais déjà, les mémoires de Robert Picot commencent à être un peu examinées par plusieurs commissions, et on commence à trouver les tarifs un peu excessifs. Et donc le changement tarifaire de la Vogue de Troyes va induire l'idée d'une tarification proportionnelle à la dimension du tableau. C'est un changement de représentation, de qualification de la pratique qui est vraiment important. Là on voit un rapport qui est fait juste après cette histoire, juste avant que la transposition ait vraiment lieu. Elle a lieu en 54 et là la question est posée en 52 et là on est en 53. Et la personne qui fait ce rapport va dire: mais si Madame Godefroy se trouve très bien payée du tableau d'Holbein avec 500, un tableau qui serait plus grand du double se paierait 1000, et ainsi de suite. Si Madame Godefroy réussit comme il y a lieu de le présumer, on peut encore être rassuré sur les prétendus frais, puisqu'elle ne compte faire usage que d'eau chaude et de patience. Donc la première chose qu'il faut relever, c'est la question de l'hypothèse d'une tarification par le bas, proposée par une femme et d'une manière forfaitaire, c'est-à-dire liée au pied carré. Et l'autre chose, c'est la question de l'eau chaude et de la patience, puisqu'en fait la Vogue de Troyes va être interrogée sur son prix, mais aussi sur ses méthodes, et elle va dire: bah, moi en fait j'ai besoin d'eau chaude et de patience pour réaliser la transposition. Donc elle va rompre complètement avec le secret de Robert Picot, qui, comme je vous le disais, parle de chaude, etc. Proposer une vision en fait de l'activité complètement dédramatisée, mais aussi dévalorisée. C'est là où on voudrait insister, c'est qu'il y a une question de l'activité féminine qui, pour s'imposer aussi dans le marché, je pense que la question de la concurrence est vraiment importante, est capable de dévaluer financièrement et de dévaluer en termes de prestige de l'activité. Donc, et elle le fait de manière vraiment, je crois, consciente, et j'aurais presque tendance à dire que c'est volontaire, elle veut s'imposer dans ce marché. Et elle change vraiment la représentation et la tarification. Donc là, si on étudie vraiment le cas, on a l'arrivée d'une femme dans le marché qui dévalorise la représentation, dévalorise la pratique, et la dévalorise aussi bien économiquement que symboliquement. Donc, alors après, on va peut-être pas tirer trop de conclusions, mais en tout cas, on a ce cas qui est très sensible, en fait, entre la diminution du prestige comme la diminution d'un ensemble de choses. Cette lettre, peut-être que vous ne la voyez pas très bien, mais je voulais la présenter. C'est de nouveau une lettre de la veuve, donc pour bien garder le lien avec l'écrit, où en fait, elle est mise en compétition, je crois qu'elle est sur le site, oui, avec Robert Picot, et en fait, ils sont de nouveau, on propose à Robert Picot la transposition d'un Raphaël. On veut faire transposer à Robert Picot un Raphaël. Et la veuve arrive en disant: non, moi je peux le transposer, je vais vous le transposer plus rapidement, je vais vous le proposer moins cher, et je vais vous proposer sans faire un mystère. Alors je vais vous la citer. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a une véritable clairvoyance et impunité dans le marché par quand même la dévaluation de l'aveu. Donc elle dit à la fin, bien loin d'en faire un mystère, ni de demander 10 000 francs. Donc on voit qu'elle-même, en fait, réactualise, est bien consciente de ce qu'elle propose en termes d'avantages et le réutilise à tout bout de champ pour gagner les marchés. Donc elle est dans une stratégie, moi j'appelle ça une stratégie, on pourra en discuter, mais volontariste et active, en fait, hein, de la pratique. Et alors ce qui est important, et je finirai avec ça, c'est de voir que... Ah non, c'était ça. C'est de voir qu'en fait, après la mort de la veuve Godefroy, cette dévaluation va trouver une forme, puisqu'en 1775, d'Angivillier, le directeur des bâtiments du roi, va faire une charte. Et dans cette charte, il y aura plusieurs dynamiques qui reviennent, si vous voulez, à la veuve. La première chose, c'est qu'il va interdire le secret. En tout cas, il va dire ça comme ça, j'interdis le secret sur la pratique. L'autre chose, c'est qu'il propose une tarification forfaitaire au pied carré. Vraiment, c'est marqué. Maintenant, les interventions doivent être payées au pied carré. Donc, on a la transposition, elle est vraiment dévaluée, si vous voulez, l'intervention mystique et magique est passée à quelque chose de vraiment basique et payée comme un ouvrier, vraiment, clairement. Et puis, il va supprimer la place de la veuve en disant cette charge, cette pension, c'est trop compliqué, ça nous amène trop de tension. On va mettre en compétition tous les praticiens qui se présenteront. Donc on a vraiment, voilà, avec ce moment, je ne veux pas lui donner trop de poids, mais je crois qu'on a vraiment un moment où l'activité féminine dans la restauration amène une dévaluation qui va se traduire chez son fils. Je vous donne juste un exemple. Le fils de la veuve va mourir en 1788 et va revendiquer l'atelier, parce que sa mère a reçu un atelier au Louvre, ce qui était aussi quand même un moment quand même de prestige pour elle. C'est vraiment après sa mort que tout vraiment dégringole. Et son fils va vouloir garder l'atelier. Et au final, on va dire, en fait, on va oublier la veuve. On va dire, l'autre exemple, où on dit, voilà, la famille Godefroy depuis 60 ans employée à la restauration des tableaux du roi. Le logement du sieur Godefroy, donc c'est le fils, était jadis l'atelier de restauration et l'ouvrage de son père et de sa mère. Bon, son père, il n'avait rien à voir avec ça. Qui ont fait tous les arrangements nécessaires. La mère du sieur Godefroy jouissait d'une pension de 200 livres comme veuve d'un restaurateur de tableaux du roi et restauratrice elle-même. Donc on a déjà une position où la veuve commence un peu à être finalement une veuve. Et il n'est à remarquer que le sieur Godefroy père n'était pas au fond, hein, sur un pied fort différent que l'était le sieur mort. C'est un marchand de tableaux dans lequel on avait trouvé la capacité suffisante et que l'on employait non comme appointé pour cette besogne, mais par mémoire d'ouvrage. Donc on voit, en fait, ce que je voudrais montrer, c'est que de Robert Picot au fils de la veuve, on sent vraiment la déqualification de la pratique ou la dévalorisation de la pratique et aussi le fait que cette tarification comme ça au pied, par mémoire, qui n'est plus pensionnée, est considérée vraiment comme, je ne sais plus les termes, un marchand de tableaux qu'on engageait à pointer par mémoire d'ouvrage, voilà, qu'on engageait par mémoire d'ouvrage. Donc on va lui supprimer l'atelier, sa famille doit quitter le Louvre. Et on voit la requalification ou la dévalorisation de l'activité, notamment aussi sur des bases économiques qui sont aussi à la fin des bases symboliques. Voilà, juste pour montrer donc comment une femme s'insère dans la pratique de la restauration dans ce milieu-là au XVIIIe siècle. Les incidences que ça a, parce qu'elle est une femme peut-être, mais aussi simplement parce qu'elle est quelqu'un qui doit s'imposer sur un marché. Je vais passer la parole à Léonie. je prends la suite. Alors évidemment, on a un peu en intro chronologique, hein, mais l'intérêt, c'est plutôt de comparer les processus, les mécanismes qui ont pu avoir lieu dans nos deux périodes. Et donc moi, je vais vous parler également d'une perte de prestige en lien avec la féminisation, pour grossièrement vraiment le général, mais qui s'observe sous des modalités, enfin qui vraiment recouvre des aspects bien différents. Donc je vais les préciser maintenant. Alors donc pour le XXe siècle, au début de la période en fait, et tout le long de la période en fait, c'est pas donc un marché qui est complètement il y a toujours une réglementation, c'est-à-dire que là, dans l'état où on vient de le laisser, on a un marché complètement concurrentiel, avec plus de charges, plus de protection finalement du marché. À partir de 1935, en fait, il y a à nouveau une réglementation qui s'opère, c'est-à-dire que tous les restaurateurs de la place publique, enfin qui ont pignon sur rue à Paris, ne peuvent pas exercer sur les collections du musée. Il y a donc une réglementation, ils appellent ça donc un agrément. Il faut avoir obtenu un agrément pour pouvoir exercer sur les collections. Et en l'occurrence, donc, il y a très peu de restaurateurs au début de la période qui vient. Ce sont que des hommes. Et donc, en gros, au début, en 1935, il y a un chef d'atelier, donc c'est Jean-Gabriel Goudina, c'est un peintre et restaurateur de tableaux, donc qui est vraiment le plus fameux sur la place de Paris et qui, voilà, avec cette figure, cette grande aura donc, du chef de l'atelier de restauration des musées nationaux et du Louvre en particulier. Et puis, donc, quatre autres restaurateurs qui obtiennent un agrément à la suite d'un concours organisé donc en 1935. Donc ce concours, c'est assez intéressant parce qu'il est, organisé, bon, à la il y a, donc, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, au niveau un peu au niveau international, une transformation qui s'amorce de l'activité, avec l'introduction d'outils scientifiques d'analyse des œuvres, voilà, la science comme auxiliaire des études de l'analyse des œuvres et de l'observation en vue de des restaurations. Donc il y a des transformations qui s'opèrent comme ça, et ça touche également la qualification des restaurateurs, c'est-à-dire on va voir un peu contrôler le travail et s'assurer de la qualité des uns et des autres, autrement que par la renommée finalement que peut avoir un atelier plutôt qu'un autre. Là, disons que l'agrément, c'est assez important de remarquer qu'il est individuel, c'est pas un atelier qui est agréé pour la restauration, mais il est individuel, donc un peu comme les charges du 18e. Mais il n'y a pas de monopole, puisque donc plusieurs restaurateurs ont cet agrément et travaillent toujours quand même, non pas donc, forcément avec l'aspect négatif là, de la prestation sur devis, puisque c'est ça, ça signifie ça, d'être payé aux mémoires, mais toujours sur ce même principe donc, de prestataire indépendant qui travaille pièce, tableau par tableau, tableau après tableau. Donc 1935, ça marque donc un regain de réglementation de l'activité. Et donc évidemment, la réglementation va évoluer au cours du XXe siècle, jusqu'en 2002 finalement, puisque en 2002, il y a le système d'agrément disparaît au profit d'une autre réglementation qui apparaît dans un décret de la loi musée, donc une loi bien plus générale donc, qui passe en 2002 sur les musées. Et il y a un des décrets, un des articles, un des textes de loi contenus dans cette loi qui traite de la réglementation de l'activité de restauration des collections des musées de France dans leur ensemble. Et donc cette fois, n'est autorisé en fait à exercer sur les collections des musées que les restaurateurs qui sont diplômés de quatre formations françaises, donc qui délivrent un diplôme de restauration à niveau Bac+5. Donc si vous voulez, vous avez, entre-temps il s'est passé pas mal de choses bien sûr, je vais vous en parler, mais donc si vous voulez, un peu en 1935, un regain de réglementation, qui est à peu près en œuvre donc, pendant toute la période, donc ce système de l'agrément, des restaurateurs habilités pour exercer, au cas, par des concours, un système de concours, et puis vraiment un gros changement au début du XXIe, avec une réglementation par le diplôme, donc, qui est bien différente. Voilà pour le fonctionnement général de l'activité. Maintenant, voyons la, donc cette population de restaurateurs, donc il n'y a pas de monopole donc unique, même s'il y a une réglementation, et donc cette population des restaurateurs, on peut l'étudier, justement s'intéresser à la part croissante des femmes qu'elle va comporter. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup utilisé donc, les fiches de santé qui ont été rédigées sur chacun des tableaux et qui portent donc, la marque de toutes les la trace écrite de tous les actes de travail. Donc, à partir de ces fiches de santé, j'ai constitué une base de données quantitative et que j'ai traitée donc, pour décrire et l'activité de ce service de restauration du Louvre donc à partir des années 50, puisque c'est à partir vraiment de ces années-là que les fiches de santé et de façon générale toute la documentation se fait de façon plus systématique, c'est-à-dire que dans les années 30-40, en plus il y a la guerre et donc il y a beaucoup de mouvements d'œuvres, bref, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ces documents avant les années 50. Et donc sur ce graphique, vous avez donc la courbe un peu en arrière-plan qui indique en fait le nombre de restaurateurs sollicités chaque année par le musée. Donc leur donnée est à droite, donc entre 10, une dizaine, 8, 10 et 40 restaurateurs différents qui viennent dans les ateliers pour travailler sur au moins un tableau. Et les petits bâtonnets, pour quand même évidemment lier ce nombre de restaurateurs avec le volume de travail, le nombre d'actes réalisés, le nombre d'actes de travail réalisés. Donc là, j'ai mis que les actes importants. Donc je vous ai dit, il y a toute une gamme. Enfin, on peut distinguer finalement les restaurations dites fondamentales, où il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur les œuvres. Et du coup de vie, etc. Et les travaux, ils appellent ça des travaux forfaitaires, donc de dépoussiérage, d'entretien plus, pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire sur les œuvres. Donc tous les mardis, jours de fermeture, les restaurateurs font un peu le tour des salles les petites interventions à faire très ponctuelles. Donc voilà, là on a juste les actes les plus importants. Et donc on remarque, donc à part l'année 1960, il y a un gros volume de travail, tout simplement parce qu'ils font une exposition en fait spécifique au musée sur les tableaux conservés dans les réserves. Et donc là, il y a vraiment un grand nombre d'œuvres qui est restauré assez rapidement. Enfin, en tout cas, les documents de l'époque montrent vraiment ça, que le musée demande aux restaurateurs d'abandonner tout travail privé pour se consacrer vraiment à la préparation de cette exposition. Donc voilà, l'année 60 est un peu spéciale, vraiment à part. Sinon, dans l'ensemble, ce qu'on observe, c'est que il y a une évolution du volume de travail, avec donc au début, jusque dans les années 70, un volume de travail à peu près constant. Bon, il ne s'agit pas non plus de faire une analyse vraiment très fine de cela, mais juste de mettre en relation la population d'un restaurateur qui travaille au sein des ateliers et le volume de travail. Juste la chose en fait qu'on peut remarquer, c'est à la fois donc la croissance dans les années 70-80 qui correspond un peu à ce qui est retenu d'ailleurs par les acteurs comme un peu à l'âge d'or de l'atelier. Il y avait à la fois pas trop de restaurateurs et beaucoup de travail, donc ils étaient tous là avec des souvenirs en tout cas de collaboration et d'innovation, en fait une période assez faste en tout cas pour ce travail de restauration. Une diminution du travail donc depuis la fin des années 90, qui est encore réelle aujourd'hui. Les grands travaux, les grands programmes de restauration, ce qu'on voit, c'est tout ce qui a donné lieu à la rénovation du musée, salle par salle, qui ont donné lieu évidemment à beaucoup de travail de restauration, puisque tous les tableaux, presque, ont été restaurés dans l'optique de la réouverture des salles avec le projet Libre en Louvre, etc. Et donc des restaurateurs qui sont arrivés, enfin qui sont à cette population qui a grossi donc par vagues successives, donc quand on donc pas seulement avec les, là c'est un peu présenté en fait finalement, donc là j'ai indiqué des petites flèches des entrées en fait de générations nouvelles. Donc si vous voulez, dans les années 50 ce sont les mêmes que ceux de 35 qui continuent donc à exercer dans les années 40, donc des hommes peintres de formation et souvent peintres également de métier, même si leur activité principale est la restauration, qui donc exercent ce métier de restaurateur et sont agréés du musée du Louvre. Donc vraiment voilà, une équipe d'hommes menée par le chef de l'atelier, toujours le même, qui est toujours en vie à cette époque-là. Et les premières femmes qui arrivent seulement donc en 1964, donc 1960, qui donc sont intégrées à cette équipe d'hommes. Alors elles sont un peu, disons que ce sont souvent en fait des élèves des restaurateurs agréés qui obtiennent l'agrément soit par nomination, donc en tant qu'élève 2, donc avec cette transmission un peu de la renommée donc, que j'évoquais tout à l'heure, et soit par un concours qu'elles ont passé, non pas pour exercer sur les collections du Louvre et les musées nationaux, mais pour un autre concours qu'il y avait à l'époque pour exercer sur les collections des musées de province, donc aujourd'hui, enfin, musées de France, et entre-temps, on les a appelés les musées classés et contrôlés, donc si vous avez en tête ces catégories. En tout cas, donc ces premières femmes qui montent un peu, voilà, c'est comme ça en tout cas que les générations d'après les ont regardées, voilà, des premières femmes qui sont montées des musées de province aux musées nationaux, donc avec toujours cette grande hiérarchie des institutions et des œuvres d'art, et donc des restaurateurs qui s'en occupent. Donc tout ça est bien analogue. En tout cas, donc les premières femmes arrivent seulement dans les années 60, alors qu'on sait bien que l'activité est pratiquée par des femmes voilà, sans discontinuer depuis donc la veuve Godefroy et ses consoeurs. Il y a toujours eu des femmes évidemment qui exercent ce métier, mais pas au Louvre. En tout cas, donc les premières arrivent dans les années 60, puis on a ensuite deux vagues assez marquées, deux générations assez marquées de restaurateurs qui arrivent. En 73 et en 86, où il y a deux concours qui sont organisés. Donc toujours sur cette même, avec les mêmes modalités finalement que le concours de 35, avec un examen donc écrit sur les... un peu de l'histoire de l'art, reconnaissance d'œuvres, des questions sur les pratiques de restauration elles-mêmes, les matériaux, les produits chimiques nouveaux, etc. à utiliser, et également évidemment des épreuves pratiques de copie qui étaient encore très, très importantes, donc en 73 et encore en 86, épreuves de copie et épreuves de restauration bien sûr. Donc voilà quelque chose. Alors donc en 73, il y a une vague d'une quinzaine de restaurateurs qui rentrent. Et donc cette fois, on a la moitié donc, de ces restaurateurs qui sont des restauratrices. Donc ça y est, une féminisation quand même de cette population des restaurateurs, avec les premières des années 60 qui continuent d'exercer. Une vague donc de femmes restauratrices qui entrent dans les ateliers et qui pour la plupart donc ont été formées non pas de façon traditionnelle donc en atelier auprès d'un maître, soit qui exerçait déjà pour le Louvre, soit qui exerçait à l'extérieur, mais des personnes qui ont suivi des formations spécialisées, donc non pas en France puisqu'elles n'existaient pas encore, elles commencent à exister qu'à la fin des années 70, mais à l'étranger, donc en Italie, en Angleterre, une qui est diplômée de l'Institut de la formation de Madrid, l'École des beaux-arts de Madrid, un autre restaurateur, donc un homme cette fois qui a fait une formation spécialisée en Pologne, enfin bref, donc on amorce un changement de profil à la fois, donc plus de femmes et plus de qualifications finalement, ou en tout cas une transformation de modalités de formation. La vague de restaurateurs qui a, donc ça y est, maintenant on peut parler de restauratrices, puisqu'elles sont bien majoritaires, donc dans celles qui arrivent en 86, puis ensuite donc toutes les restaurateurs qui sont sollicités à la fin de la période et aujourd'hui, qui sont en majorité des restauratrices et qui sont en majorité, voire exclusivement maintenant, diplômées des formations françaises, donc qui sont créées à partir des années 70-80. Alors là, ça c'était un peu la photographie un peu générale de l'évolution de cette population des restaurateurs en lien avec le volume du travail. Et plus précisément, donc là j'ai pu faire vraiment, parce que là finalement on a seulement qui passe dans les ateliers, on ne sait pas vraiment qui travaille le plus est-ce que finalement on pourrait très bien avoir des femmes dans l'atelier, mais que ce soit les hommes qui fassent toujours la majorité du travail. Donc c'est comme ça que, donc c'est pas le cas, puisque quand on regarde vraiment la répartition des actes de travail entre hommes et femmes, sur toute cette période, on observe vraiment, voilà, non pas seulement une féminisation de la population des restaurateurs sollicités, mais une quasi-complète féminisation du travail effectivement réalisé. Donc voilà, à partir des années 70, la grande majorité des interventions donc importantes sont réalisées par des femmes. Voilà, pour ça c'est pour la. Donc bon, c'est vrai que ce passage, donc à la fois les premières femmes et les premières femmes qui sont arrivées dans les années 70, elles ont vraiment donc dans les entretiens, des interviews, c'est très sensible tout de suite, voilà, cette évocation de dire, quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes, il fallait se faire sa place. Enfin, bon, à la fois donc un choc, une place à se trouver, donc ça revient toujours, et puis également un peu un clivage en termes le clivage homme-femme se double d'un clivage en termes de formation et de pratique, puisqu'on va avoir donc des hommes plutôt âgés qui voient arriver des femmes plutôt jeunes et qui ont suivi des études qui n'ont rien à voir, enfin, qui ont appris leur métier de façon bien différente d'eux, et qui utilisent des produits qu'ils n'utilisent pas, et des conventions de restauration qu'ils n'utilisent pas. Donc, bon, une sorte de. Bon, quelque chose qui n'est. Une rencontre qui n'est pas du tout. Qui n'est pas problématique, les anciens étant toujours qualifiés d'anciens. C'est toujours les anciens, un peu comme les sages, donc ils nous ont beaucoup appris, etc. Et les jeunes femmes ayant fait leur carrière finalement dans l'institution, comme les anciens avaient fait la leur. Il n'y a pas eu de conflit finalement, ni de génération, ni de. À ce moment-là, dans les années 70, les anciens finissaient leur carrière, ils ont renouvelé les troupes en quelque sorte en faisant les concours. Et donc il n'y a pas eu vraiment à cette époque-là donc les clivages qu'on peut vraiment repérer n'ont pas été problématiques au sein de l'atelier. Donc c'est la même chose, donc la féminisation, ce qui est important quand même pour l'évolution générale du métier, c'est que la féminisation s'accompagne d'une montée en qualification, d'une professionnalisation, donc avec de plus en plus de restaurateurs, restauratrices qui sont diplômés des formations étrangères d'abord, puis des formations françaises. Donc là on a toujours la répartition des actes de travail, donc c'est vraiment au plus près finalement du travail qui est fait dans l'atelier, donc on peut faire bien confiance à ça. Pour la transformation ce qui est assez intéressant avec ce cas là, du, de cet atelier du musée du Louvre, c'est que c'est un peu comme un observatoire de ce qui se passe aussi au niveau plus général de l'activité, donc avec ces mouvements de ce mouvement de professionnalisation qui accompagne la féminisation. Et donc là, je disais, autant les anciens, donc les très anciens, mettons, et les jeunes femmes qui arrivent, là, autant là, il n'y a pas eu de... le clivage, je ne sais pas, en tout cas manifesté par un conflit visible et sensible au niveau au sein de l'atelier, autant, en fait, ce qui a été plus problématique et ce qui révèle davantage la transformation de l'activité dans les années 70, c'est que quand coexistent finalement des praticiens de même génération au point de vue de l'âge et au point de vue de leur entrée dans le marché du travail, de même génération mais qui ont eu des profils complètement différents et donc et des formations différentes, puisque là je dis bon, évidemment progressivement on voit que les restaurateurs sont de plus en plus sortent de plus en plus d'écoles spécialisées par rapport aux métiers d'apprentissage, mais dans les années encore 70, il y avait donc les majoritaires, ils étaient formés comme les anciens en atelier, avec une forte, fort bagage artistique que les autres n'avaient pas du tout parfois. Et donc, en fait, il y a vraiment deux profils en prêt, hein, qui existent pendant quelques années, donc parfois, et sans que ce soit toujours sans heurts, et donc notamment donc des. Voilà le profil de l'homme de métier, formation artiste et se revendiquant comme tel, comme peintre, comme peintre-restaurateur. Et puis les restauratrices adeptes du microscope qui elles, ont raté complètement l'épreuve de copie et en sont fières parce que la restauration, c'est pas de la copie, c'est scientifique, c'est de l'étude des œuvres, c'est comme la médecine, etc. Le restaurateur du même âge disant vraiment me dit, enfin, en interview c'est toujours assez criant les écarts puisque c'est comme si on avait vraiment voilà, deux profils complètement disparates, le restaurateur de la même génération me disant oh ben il y en a qui savent même pas faire la copie, moi je l'ai fait vraiment vite tellement je maîtrisais bien tout ça, pour moi la restauration, c'est un travail artistique, etc. On doit savoir peindre avant de savoir restaurer. Donc, ce moment, voilà, des années 70, début des années 80, où on a donc deux profils qui coexistent et qui affirment chacun une vision du métier, une vision aussi des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Et qui redouble ce clivage homme-femme. Bon, voilà pour la cette étape de transition. Et pour l'étape, enfin pour la période récente, en fait, ce qui s'observe et même donc tout du long, c'est que avec cette professionnalisation du métier. Donc certes, on va utiliser le microscope, certes on va être diplômé, des formations, etc. Mais en fait, l'activité elle-même, enfin donc d'une certaine façon, on peut parler d'une revalorisation de l'obtention d'un certain, d'une amélioration du prestige de l'activité, si on prend en compte le niveau de diplôme, le côté rationnel, scientifique, etc., l'activité qui est très valorisée par la société. Donc on pourrait penser que l'activité a gagné en prestige et en reconnaissance. Mais ce n'est pas vraiment le cas, dans la mesure où cette aura dont bénéficiaient les anciens et cette aura du peintre, finalement, restaurateur, était symboliquement très forte et très présente. Et donc là, ce qu'on peut dégager, enfin ce qui se dégage quand même sur cette longue période, c'est que il y a donc la féminisation s'est accompagnée d'une perte d'aura. Donc alors c'est toujours féminisation et montée en qualification. qui sont les deux gros phénomènes là, qu'on observe et qui sont pas très dissociables. C'est-à-dire que je peux pas vraiment dire que c'est parce que ça s'est féminisé qu'il y a une perte de prestige, puisque il y a ce gros processus de professionnalisation qui se double là, et on peut pas vraiment les distinguer, mais on peut constater quand même une perte de prestige. Et surtout, en fait, ce qui s'observe davantage ici dans mon cas, c'est une perte de la maîtrise du travail en fait effectif au sein des ateliers. C'est-à-dire qu'autant les anciens et encore au début des années 70, les restaurateurs étaient très, on peut dire, autonomes dans leur activité, c'est-à-dire que tout concrètement, ils organisaient eux qui organisaient leur travail, qui se répartissaient entre eux le travail. Donc il y avait le chef d'atelier qui disait, enfin qui répartissait le travail avec donc qui établissait les devis. Et ensuite les autres et lui-même travaillaient selon ses devis. Donc c'était le conservateur de musée disait juste ce tableau-là, il faudrait s'en occuper, mais pas plus. Et plus petit à petit, pendant la période, en fait, cette autonomie-là, qui était vraiment, qui est un gage en fait aussi du niveau de l'activité, du niveau de reconnaissance, de prestige qu'on peut accorder à l'activité. Cette autonomie-là, elle décroît avec la montée en présence et la montée en puissance des conservateurs du musée qui ne sont plus seulement les commanditaires et les bénéficiaires des travaux, mais qui interviennent vraiment dans l'organisation du travail. Et donc, à partir des années 70, le chef d'atelier, qui est un restaurateur, n'est pas, en fait, il part à la retraite et il n'est pas renouvelé, c'est pas une restauratrice, même un restaurateur nouvelle génération qui va prendre sa relève. Ce poste-là disparaît, et par contre, il y a un chef de service et qui est une conservatrice et qui va organiser le travail, programmer le travail, répartir le travail entre les restaurateurs. Donc en fait, les restaurateurs, en tant que catégorie professionnelle, en tant que groupe professionnel au sein du musée, ils perdent la maîtrise de cette organisation du travail, et même dans la décision de restauration, etc., ils sont parfois très... ils doivent faire beaucoup avec l'avis du conservateur, l'avis certes très informé du conservateur historien d'art qui a une certaine expertise sur le sujet. Et donc en tout cas, ils doivent partager cette maîtrise des décisions de travail. Donc voilà, pour résumer, avec la féminisation et la montée en qualification, on observe quand même une baisse. Une perte de l'aura associée au métier de peintre-restaurateur et une perte d'autonomie dans l'exercice concret de l'activité, donc organisation du travail et même décision de traitement. Donc voilà, si je peux résumer peut-être avant de repartir sur la deuxième partie. Donc moi, je pense que voilà, j'ai bien redit la conclusion en termes de ce lien entre réglementation de l'activité, féminisation et prestige qui peut être associé. On a toutes les deux finalement, donc Noémie, elle, pour sa période finalement, elle observe avec, donc toi vous pouvez vraiment parler de féminisation, mais c'est plutôt l'entrée des femmes sur le marché du travail. Bon. Donc, si on compare vraiment Pico et le fils de la veuve, on peut voir que le passage, l'entrée sur le marché d'une femme a entraîné une perte de prestige, donc à plusieurs niveaux, donc économique, avec la baisse par 10 des prix, symbolique avec la perte de prestige associé au mystère, à ce personnage du restaurateur tout puissant, donc au profit de, voilà, c'est toujours le chaud de la patience. aussi cette perte de prestige de l'art libéral vers le monde ouvrier. Et puis, en revanche, et également une perte d'autonomie, puisque le fils de la veuve ne se laisse faire sa charge, faire le quasi-monopole qu'avait sa mère. Et donc, tout ça, c'est des processus qu'on peut comparer. Quelque part, c'était aussi attendu. C'est-à-dire, c'est des conclusions assez attendues, féminisation, dévalorisation, on s'y attendait un peu. Là où on a été plus surprise dans la confrontation, c'est peut-être aussi dans la deuxième partie qu'on va évoquer, je crois, assez vite, mais où on a vu en fait une division du travail qu'on ne s'attendait pas et qui, là, si vous voulez, avec des différences liées au contexte politique, ça, mais nos conclusions quand même convergent. C'est-à-dire, l'arrivée des femmes dans l'activité équivaut à une dévalorisation, pour faire une équation très très sobre et simple. Par contre, on a été plus surprise peut-être par la deuxième partie. Je te laisse toi. Oui, moi je vais faire un peu. J'ai le plan. Donc là, la deuxième partie c'était sur la division vraiment du travail au sein des ateliers. Pour introduire une division du travail, j'ai fait un petit plan juste des ateliers actuels. Le Louvre, ça fait un grand U, et au bout du U qui borde la Seine, il y a le pavillon de Flore, et donc un étage consacré à la restauration des tableaux. On peut un peu lire la division du travail grâce à la façon dont c'est spatialement organisé. En tout cas, on observe qu'il y a une grande division en fait entre les postes de travail où on s'occupe du support, donc de la couche picturale, donc la face du tableau. Donc on opère les nettoyages et ensuite les retouches. Donc en fait on nettoie, on enlève le vernis, on enlève les vieux repeints qui ont mal vieilli. Et ensuite on va retoucher toutes les parties qui ont laissé lacunaires. Donc ce travail sur la couche picturale et le travail sur les supports, donc que ce soit support de toile ou de bois. Donc en gros, la couche picturale, donc ça se passe dans le L, là, le premier, la partie droite est centrale, gauche est centrale, où chaque trait noir là, représente une fenêtre, et finalement chaque fenêtre délimite, détermine un poste de travail. Donc j'ai mis des petites barres comme ça, c'est les tableaux en fait, c'est les chevalets, où on va avoir donc des restauratrices de travail, puisque donc moi ce que j'ai observé c'est que la division du travail entre couche picturale et support se recoupe tout à fait à une division complètement séparée entre donc les femmes qui s'occupent de la couche picturale et les hommes qui s'occupent du support. Et donc le support, il y a des ateliers donc les supports de toile, donc comme on a vu tout à l'heure les châssis avec la toile, et donc toutes ces opérations de rapoilage de travail sur les toiles. Et dans la petite pièce au fond, c'est plus un travail sur les supports de bois. Donc souvent les problèmes avec le bois, c'est les insectes qu'on va traiter, les aplanir des surfaces qui se sont transformés, qui se sont envolés, etc. Bref, en tout cas, donc ces deux activités sont bien séparées dans les espaces de travail et également donc selon une vision homme-femme très très nette. Et les entretiens et tout ce que j'ai pu redire sur l'activité, conduisent à faire une analyse, on peut faire vraiment une analyse assez classique en termes de genre, dans la mesure où la division du travail donc entre couche picturale et support recouvre vraiment une distinction entre des représentations très genrées de l'activité, donc du type le support c'est physique, il faut transporter des châssis, il faut faire tendre les toiles, c'est une activité très physique masculine, et la couche picturale c'est très minutieux, c'est la peinture, etc. Donc c'est normal, donc, c'est ça dans les entretiens, c'est bien sûr ça qu'on recueille. Donc voilà, c'est le support c'est moins raffiné, la couche picturale, il faut être très attentif, très patient, très minutieux, etc. Puisque souvent, certaines retouches, c'est vrai, se font vraiment au petit point, c'est-à-dire que on ne va pas refaire une fleur comme ça, mais retoucher chaque petit point pour limiter la retouche vraiment à ce qui manque et non pas déborder sur l'original. Donc une division sexuelle du travail vraiment qui recouvre vraiment les représentations genrées sur l'activité. Et il y avait un petit graphique sur l'évolution. Et quelque chose symptomatique peut-être de cette vision du travail, c'est qu'il y a beaucoup de couples en fait qui exercent le métier de restaurateur, et toujours c'est l'homme qui est chargé du support et la femme qui est spécialisée dans la retouche. Et donc il y a plusieurs couples même au Louvre, donc malgré ces systèmes d'agrément, etc., qui vont plutôt peut-être grâce aussi, en tout cas qui exercent tous les deux, et même des couples un peu mythiques pour les autres, si un peu évoqués comme ça pour les restaurateurs actuels, puisque ça a été des figures qui ont marqué évidemment la vie de l'atelier et qui ont eu beaucoup d'élèves, etc., donc qui ont marqué la vie de l'atelier. Et donc là, sur ces graphiques, on voit juste que oui, c'est vrai que donc la grande différence, en fait, derrière cette féminisation de l'activité, c'est surtout une féminisation des travaux opérés sur la couche picturale, puisque l'activité de restauration des supports reste quasi jusqu'à l'année 2000 complètement masculine. Donc on a vraiment une division du travail très nette entre les hommes et les femmes au sein de l'atelier. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, il y a quelques femmes qui travaillent sur le support, qui ont fait face à toutes ces représentations très genrées d'activité, mais tu ne vas pas faire le support, c'est un travail de mec, etc. Mais qui des représentations qui, bien sûr, évoluent. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il y a des femmes qui vont faire ce travail. Et puis, à terme, certainement que toute la... Comme d'ailleurs, maintenant, il y a des restauratrices de mobilier et de... Voilà, toutes ces spécialités qui paraissaient complètement masculines, là, qui sont en train de se féminiser. Et certainement, grâce aussi à la professionnalisation. C'est-à-dire que avec le passage en fait par des formations intellectuelles en fait des praticiens qui ont d'abord fait des études de biologie, de chimie, au contraire d'histoire de l'art, en fait il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans ces formations et qui ensuite choisissent des spécialités qui étaient à l'origine considérées comme masculines ou féminines, donc le textile pour les femmes, l'immobilier pour les hommes, mais qui aujourd'hui donc se dirigent vers toutes les filières. Donc si moi je reviens sur c'est un peu mauvais, je vous donne juste simplement le plan de l'atelier qui a été atelier de la veuve au Louvre et qui ensuite est celui de son fils qui va transformer en logement, c'est juste pour faire un peu le lien entre parce qu'on a aussi on travaille dans les mêmes locaux presque avec l'UNI, enfin nos intervenants travaillent dans les mêmes locaux, donc là c'est l'atelier au Louvre. Donc pour esquisser juste la division sociale en termes de hiérarchie, etc., la veuve, que ce soit dans cet atelier ou dans son atelier privé au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, est vraiment la chef d'atelier. C'est-à-dire qu'elle reçoit, si vous voulez, l'injonction des bâtiments du roi, par exemple, ou des commanditaires. Mais ensuite, elle est elle-même, elle organise entièrement son atelier. Donc elle a un certain nombre d'employés, en fait, qu'elle rémunère elle-même. Elle touche une pension qu'elle va ensuite, elle la partage d'abord cette pension, elle. L'autre archive est mauvaise. Là, en fait, elle redemande la pension pour elle seule. Donc elle reçoit et la pension à son nom à partir de 60 et l'argent que lui verse les bâtiments du roi. Et c'est ensuite elle qui rétribue les personnes qui sont employées dans son atelier, qui sont grosso modo de deux types. Il y a vraiment des proches collaborateurs qui travaillent, qui habitent l'emploi, qui travaillent dans son atelier. Et puis tout un personnel un peu de renfort, type fournisseur, etc. Ou ce qu'elle appelle des ouvriers qui viennent l'aider à réaliser les interventions. Et puis pour ce qu'il en est de ces interventions véritablement, alors là on a, contrairement à Léonie, un cas de figure où la femme réalise quasiment uniquement, sinon uniquement, les interventions sur les supports des œuvres et toutes les interventions physiques. Donc là je vous ai donné simplement un petit extrait où j'ai mis en gras les choses qui permettent un peu de sentir ça. Elle remet sur toile, elle effectue les rentoilages, tandis que Colin et en fait toutes les personnes qu'elle emploie sont des peintres, ce qu'elle n'est pas, et en tout cas elle sait vraisemblablement, parce que parfois elle pratique, mais c'est vraiment très très rare. Par contre, elle emploie des peintres pour faire ce qu'elle appelle donc les interventions de repeint. Donc on est dans un cas de figure inverse, chose qui pourrait être assez anecdotique si en fait il n'était pas étendu à la quasi-totalité des femmes qui restaurent au XVIIIe siècle, qui en fait restaurent presque tout, soit sur la couche picturale, mais alors en tant que nettoyage, c'est-à-dire nettoyer la couche picturale, soit alors qui restaurent les supports des œuvres, mais jamais quasiment qui repeignent, tandis que les hommes sont généralement cantonnés en fait à l'intervention de réintégration picturale, comme on dit aujourd'hui, ou de repeint. Donc on s'est quand même pas mal interrogé sur comment comprendre ça. On vous soumet aussi à vous l'interrogation. Déjà, une chose qu'on peut noter, c'est que l'atelier, de ce que je peux en reconstituer, il n'est pas du tout divisé comme est l'atelier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, ça a l'air d'être une pièce et il y a tout le matériel dedans. Donc les interventions sont moins... Les choses sont moins segmentées quand même qu'elles le sont aujourd'hui. Mais cette dichotomie, en fait, existe et est très forte et vraiment à l'inverse de ce qu'on a vu au XXe siècle. Alors, à la limite, la question du nettoyage, on pourrait assez facilement l'interpréter, peut-être qu'il ne faut pas, mais bon, je vous propose des lectures. On pourrait l'interpréter, puisqu'on sait que, par exemple, dans tous les traités, enfin, dans certains traités ménagers, notamment les traités anglais, de genre housekeeping pour les femmes, il y a des petites choses sur le nettoyage des tableaux. Balayer un peu. Donc c'est une pratique, si vous voulez. On pourrait interpréter ça comme l'extériorisation de compétences reconnues dans le domaine privé. C'est-à-dire on pourrait imaginer que ces femmes qu'on voit actives et le fait que leur activité pose aucun problème au bâtiment du roi, le fait que la veuve soit une femme n'a jamais été soulevée, pourrait être compris, si on se limitait à la question du nettoyage, quand même comme le transfert de compétences en fait privées dans le domaine public. Ça pourrait être une clé de lecture pour comprendre la bonne acceptation des choses. L'autre chose qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est que, et la veuve va vraiment participer à ça, autant l'intervention sur le support était encore très valorisée jusque dans les années 40-50 avec Picot, autant après elle devient vraiment une intervention assez peu valorisée. Donc elle-même en fait fait passer ça dans une intervention manuelle, appliquée, de nouveau cette patience, mais qui du coup pourrait être reconnue, alors bon, je vais avec des pincettes, mais comme une activité plus féminine. En tout cas, ce qui est intéressant de remarquer, et c'est un peu là où a été notre surprise, c'est qu'on n'a pas ce binôme masculinité-force physique du tout, mais elle dépose des peintures murales, par exemple, Marie Barret et Margarita Bernini, donc c'est-à-dire elles sont des interventions véritablement physiques. Hein, bon, je ne vous fais pas le processus, mais une fraise, par exemple, peut être déposée et remise sur une toile. Donc on n'est pas dans une logique féminité-fragilité, disons, on est plutôt dans une logique, j'ai l'impression, féminité, perte de prestige ou peu de prestige ou question manuelle. Parce qu'en fait, l'art de la peinture ou la réintégration, qui correspond quand même à repeindre, hein, qui n'est pas des petites choses, qui est genre, il repeint, reste une activité plutôt, de nouveau je vais avec des pincettes, mais plutôt acceptée pour les hommes que pour les femmes, tandis qu'au contraire, alors les interventions beaucoup plus physiques ne posent pas de problème dans la représentation, a priori. De l'activité pour les femmes, du monde juste encore. Ça, c'est un tableau qui est découpé par... Bon, c'est une fluorescence UV, mais en fait, là, vous avez une partie qui est... Moi, je le sais en croisant les archives et en croisant la radio. Cette partie-là a été découpée rajoutée par la veuve, c'est de la toile qu'on a rajoutée. Et c'est Colin qui va tout repeindre. Donc, c'est pour donner un peu une visibilité au partage de l'activité. Donc, chacun fait une tâche différente. La veuve fait une tâche véritablement manuelle et sérieuse, tandis que lui va... Enfin, sérieuse, concrète, physique, et lui va repeindre, on peut le voir encore sur les œuvres, va repeindre pour de faux, hein, il remplit, quoi, il invente les parties qui manquent, donc va réaliser c'est repeint. Et puis ça, c'est un autre emballage de la veuve qui est toujours conservé et qu'elle est sans empire royal. Et donc voilà, pour dire que cette espèce de polarité, féminité, application, etc., ou fragilité, précaution, je ne sais pas comment on peut le décrire, n'est pas une constante, en fait, de l'histoire des représentations, en tout cas, de ce qu'on a vu, nous. Et qu'au contraire, le travail du peintre au XVIIIe siècle est vraisemblablement plus prestigieux. Et on le sait pour Madame de Montpetit, et je terminerai avec ça, puisque le journal dit, oui, bon, monsieur de Montpetit est peintre, mais sa femme a bien voulu se charger du reste de l'activité qui n'est pas proprement de la peinture. Je cite un peu comme ça, mais pour montrer que c'est quand même une intervention qui... Enfin, donc l'intervention sur la couche picturale est beaucoup plus considérée que l'intervention sur le support et du coup peut-être plus facilement masculine. Est-ce qu'on veut tirer des conclusions? Je crois que oui. On avait donné plutôt des pistes qui nous a intéressés, je sais pas moi... Forcément, ce qui nous a, enfin, les apports, voilà, d'une comparaison comme ça, je pense que ça peut être le gros apport, moi, qui nous semble, c'est de c'est vrai, d'interroger, de réinterroger chacune nos périodes, à l'aune de ce qu'on a pu observer dans notre période, et puis de profiter, voilà, de ces étonnements, de ces inversions, non correspondance en tout cas pour prouver, enfin montrer les recompositions permanentes des relations des rapports de gens au travail et en lien avec les prestiges de l'activité. Moi je pense que on peut travailler plus là-dessus sur les représentations. Donc voilà, fragilité, force physique, minutie, dans quelle mesure elles peuvent être taxées de féminines, masculines, c'est complètement inversé à deux époques. Ça coïncide pas. Peut-être autre chose aussi, c'est que le graphique que tu montrais sur l'arrivée des femmes en fait dans la profession, en comparant avec ce que moi je peux savoir de l'activité dans le passé, on voit que l'idée de la linéarité comme ça, de l'arrivée des femmes petit à petit au XXe siècle, là on peut le déconstruire complètement si on juxtapose, on voit que c'est pas. Alors c'est plutôt comme ça, quoi. Mm-hmm. Mais voilà. C'est une des choses, je pense que la comparaison dans le temps permet d'un petit peu de casser la fixité des implantations, la linéarité des. C'est sûr. Et puis l'idée de progrès aussi, qui est quand même. Enfin, un progrès en ce sens-là, quoi. Voilà un peu, je sais pas.